Troisième partie, chapitre 3, sixième section, le dixième commandement. Que nous défend le dixième commandement ? Tu ne désireras pas le bien d'autrui. Le dixième commandement, tu ne désireras pas le bien d'autrui, nous défend le désir de priver autrui de son bien et le désir d'acquérir du bien par des moyens injustes. Pourquoi Dieu nous défend-il aussi le désir du bien d'autrui ? Dieu nous défend les désirs déréglés du bien d'autrui, parce qu'il veut que nous soyons justes même intérieurement et que nous nous tenions toujours très éloignés des actes injustes. Que nous ordonne le dixième commandement ? Le dixième commandement nous ordonne de nous contenter de l'état dans lequel Dieu nous a placés et de souffrir avec patience la pauvreté quand Dieu nous veut dans cet état. Comment un chrétien peut-il être content dans la pauvreté ? Un chrétien peut être content, même dans la pauvreté, en considérant que le plus grand des biens est une conscience pure et tranquille, que notre vraie patrie est le ciel, et que Jésus-Christ s'est fait pauvre par amour pour nous, et a promis une récompense spéciale à tous ceux qui supportent avec patience la pauvreté.